Quand s'allument les étoiles dans le ciel de mon pays, quand s'allument les étoiles dans la fraîcheur de la nuit, le vent souffle de la mer, emportant vers les collines toutes les chansons d'amour. Souffle de la mer, emportant vers les collines toutes les chansons d'amour. Je les rencontrais un soir, il jouait sur sa guitare, et moi j'ai cherché l'oubli. On parlait autour de moi, mais je n'écoutais que lui, et je ne voyais que lui. Chansons d'amour. Le vent souffle de la mer, emportant vers les collines toutes les chansons d'amour. Lorsque le jour s'est levé, tout le monde était parti. Je dansais seul avec lui. Et depuis rien n'a changé, je ne danse qu'avec lui. Je ne chante que pour lui. Quand s'allument les étoiles dans le ciel de mon pays, quand s'allument les étoiles dans la fraîcheur de la nuit, le vent souffle de la souffle de la mer, emportant vers les collines la chanson de notre amour. La chanson de notre amour.